Section 104 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 104. Rose de Noël, par Marquise de Blocqueville. Certaines recherches de dignité à propos desquels on aime à se faire illusion, ne sont le plus souvent que de l'orgueil en domino. La plupart des songes de nos nuits sont une série de variations fantastiques, exécutées par le grand artiste sommeil sur un thème entendu pendant le jour. Par quelle loi l'amour, cette éblouissante lumière qui aveugle les amoureux, semble-t-il presque toujours à ceux qui considèrent un amour sans le ressentir, fou et mal placé. Tout au fond de la faute, Dieu cache le châtiment. Méditez cette vérité avant de commettre la faute, vous qui commencez à vivre, et sachez voir, dès la veille du péché, c'est pas l'heure du lendemain. Toute demeure pour offrir à l'esprit un degré d'originalité digne de l'intéressé. Ne doit relever que de l'être auquel elle sert de nid. La plante, si elle a une vie différente de la nôtre, a certes une vitalité plus puissante, la plante se transformant sans avoir à passer par la mort. Dans la jeunesse, on ne peut guérir d'un amour malheureux que par un autre amour. De là procède la nécessité de certains feux de transition, destiné à brûler les liens cruels qui retenaient l'âme prisonnière. Fin de la section 104, lue par Margot.